à ceux qui partent en août, qui n'aiment pas se sentir seuls sur la route, qui préfèrent un soleil de plomb, National 7 pour jouer au bouchon. Moi j'attends les mois creux, quand les autres sont rentrés chez eux. C'est là que je me réveille, je pars vers le soleil. Moi je m'étale en vacances, je fais soleil à part, et je bénis votre départ. Moi je m'étale en vacances, je ne partage pas, je tire toute la plage à moi pour faire sa petite place au soleil. L'été faut pousser une jambe en orteil. Les commerçants vous voient arriver comme des sauterelles prêtes à tout avaler. Moi je veux qu'on prenne soin de moi, je veux mon petit coin de sable à moi. Je pars quand vous rentrez, suffisait d'y passer. Moi je m'étale en vacances, je fais soleil à part, et je bénis votre départ. Moi je m'étale en vacances, je ne partage pas, je tire toute la plage à moi. En plein été les petites nanas ont la fine bouche parce qu'elles ont le choix. Elles vous envoient vous rhabiller si elles s'aperçoivent que vous êtes fâché. Moi je veux quand même pour moi, je n'ai pas de bagnole de sport ni de villa. Mais en fin de saison, je peux faire sensation. Moi je m'étale en vacances, je ferai soleil à part,